Lâchez comme un sauvage. L'humanité souffre, lâchez comme un sauvage. L'humanité souffre, lâchez comme un sauvage. L'humanité souffre. Souffre d'avoir habilitant d'homme. L'humanité souffre d'avoir habilitant d'homme.